Bonjour, madame. Je voudrais quelques renseignements, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il y a à voir dans la région ? Beaucoup de choses, monsieur. La Bretagne est une région très riche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour les enfants ? Vous pouvez visiter le grand aquarium, qui est passionnant pour les enfants. Quels sont les horaires de visite ? Je vais vous donner un dépliant. Vous aurez tous les renseignements nécessaires. Ah, je vous recommande aussi d'aller au Cap Fréhel. C'est magnifique et spectaculaire. Vous pourrez voir toutes sortes d'oiseaux et un panorama extraordinaire. Ma femme s'intéresse beaucoup à l'histoire. Est-ce qu'il y a des monuments historiques à visiter ? Ici, à Saint-Malo, vous pouvez faire la visite des remparts du XVIIe siècle. Mais dans la région, le monument le plus connu, bien sûr, c'est le Mont-Saint-Michel. C'est très touristique, mais ça vaut la peine. Ah, il y a aussi la vieille ville de Dinan qui est très belle. Qu'est-ce qu'on mange de bon dans la région ? Des crêpes, monsieur. Des crêpes et des crêpes. C'est la grande spécialité de la Bretagne. Et les enfants adorent ça. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi manger du poisson et des fruits de mer tout frais.